Ésaïe chapitre 39. En ce temps-là, Merodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des lettres, avec un présent, à Ézéchia, par ses ambassadeurs, parce qu'il avait appris qu'il avait été malade, et qu'il était guéri. Et Ézéchia en fut joyeux, et leur montra les cabinets de ses choses précieuses, l'argent, et l'or, et les choses aromatiques, et les onguents précieux, tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors, il n'y eut rien qu'Ézéchia ne leur montra dans sa maison, et dans toute sa cour. Puis le prophète Ésaïe vint vers le roi Ézéchia, et lui dit, « Qu'ont dit ces hommes-là, et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchia répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchia répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien eu dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Ésaïe dit à Ézéchia, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici venir les jours que tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé dans leurs trésors jusqu'à aujourd'hui, sera emporté en Babylone, il n'en demeurera rien de reste, a dit l'Éternel. Même on prendra de tes fils qui sortiront de toi, et que tu auras engendrés, afin qu'ils soient tenus qu'au palais du roi de Babylone. » Ézéchia répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée, est bonne, » et il ajouta, « Au moins qu'il y ait paix et sûreté en mes jours. »